on retrouve Camille au pied de l'autel d'une chapelle. « M'avez-vous abandonné, oh mon Dieu ? Vous le savez, lorsque je suis venu, j'avais juré de vous être fidèle. Quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous, j'ai cru parler sincèrement, devant vous et ma conscience, vous le savez. Mon père, ne voulez-vous donc plus de moi ? Oh, pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même ? Pourquoi suis-je si faible ? Ah, malheureuse, je ne puis plus prier. » Entre Perdicant. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains, qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi ? La voilà, pâle et effrayée, qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre ? Qui m'a suivi ? Qui parle sous cette voûte ? Est-ce toi, Perdicant ? Insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quels songes avons-nous fait, Camille ? Quelles vaines paroles ? Quelles misérables folies ont passé comme un vent funeste entre nous deux ? Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et le colère vinssent jeter leur rocher informe sur cette route céleste qui nous aurait conduit à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé, nous nous aimons. Il la prend dans ses bras. Oui, nous nous aimons, Perdicant. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Chère créature, tu es à moi. Il l'embrasse. On entend un grand cri derrière l'autel. C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici ? Je l'avais laissée dans l'escalier. Il faut donc qu'elle m'ait suivie, sans que je m'en sois aperçu. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle est encore évanouie. Viens, portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel. Non, en vérité, je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y, Camille, et tâche de la ramener. Camille sort. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés, et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai Marie. Je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche. Elle sera heureuse. Ne faites pas cela, ô Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il ? Elle est morte. Adieu, Perdicant.